Selon le journal sud-coréen Le Travail et le Monde, les syndicats du transport public et des soins médicaux relevant de la Confédération démocratique des unions syndicales et l'Association des syndicats du service public, l'Association du service public et le syndicat financier subordonné à la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont fondé le comité de mesures communes des syndicats du secteur de service public. Le comité a tenu le 7 à Séoul une conférence de presse pour avertir les autorités de se mettre en grève générale d'une grande envergure si elles n'abandonnent pas le licenciement forcé des ouvriers.